que les massives. Bienvenue à tous sur Debatech Radio. Yes, yes, c'est l'heure de Full Vibes. Et oui, excusez-moi pour hier, il y a un petit contretemps. Mais on est là ce soir pour se mettre bien avec toutes les brand new releases. Et on commence chez le Dubophonic Net Label. Live and direct avec Mini Vibes. C'est Full Vibes. Yes, I am, big up Doctazi. Big up tous les massifs présents. Okay. On commence avec Dub Synastic. Dub Doctor. Yes, yes, ça se passe chez le Dubophonic Net Label. Dub Synastic. En téléchargement gratuit massive. On commence tranquillement en Roots Dub. Yes, brand new release. Yann de Bophonic Net Label. Big up Dub Thomas. Parodie. Yes, yes, massive. On commence avec Dub Synastics. La dernière production du Dubophonic Net Label. Yeah. Holly Roundup en featuring avec Sammy Gold. Massive, c'était Dub Synastics. Roots Dub Boy Vibration. Je vous le rappelle, ça se passe sur le Dubophonic Net Label. C'est disponible en téléchargement gratuit. Yes, yes, big up à tous les Massives, merci d'être là. Big up Docta, big up Papa Rudy. Tous les Massives connectés. Cool and highway. Ok les Massives, maintenant on s'en va du côté de Bordeaux. Avec le Storm and Break Record. Et l'homme Gary Clunk. Uptown Rebel. Léa Rosier s'il vous plaît. Yeah. Uptown Rebel featuring Léa Rosier, disponible depuis cet après-midi. Highway Vibe. Just Progressive. C'était Uptown Rebel en featuring avec Léa Rosier sur le Storm and Break Record. Ok, maintenant on s'en va du côté de Marée Basse Productions. Les sièges chez Marée Basse, c'est Malatesta. Comme assez, je vous rappelle que vous retrouvez tous les liens dans la partie partenaire du site de Batek. Full dub! Malatesta dub en featuring avec Angelo Napoli. Ça se passe chez Marée Basse Productions en téléchargement gratuit aussi. Ok, next tune. Sur Rabadub, l'album de Malatesta. Big up à tous les massives. Wait. by it, so. En featuring avec Iobel, a big tune. Just to let Big up Fonny and Floor. C'était Malatesta Dub avec un remix de Fonny and Floor et iRebel sur leur version. Ok, maintenant Ok Massive. Maintenant, petit tour chez ODG Prod, où on retrouve Mexican Stepper. Yes, this is Rebel I once again, directamente desde Perú, representando a la Caesta Crew, sin Mexican Stepper in the production. Yes. Yeah, you're going down. Go, run. en este mundo. Brinda fuego a Babilón y melas al justo. Ya falla, que malo, malo en este mundo. Brinda fuego a Babilón y melas al justo. On time of calamity, Rasta take it over. On time of destruction, Rasta take it over. On time of confusion, Rasta take it over. On time of tribulation, Rasta take it over. Ok Massive, vous êtes bien dans Full Vibes. Yes, Rasta take it over. Live and direct avec Mini Vibes. Yeah. Mexican Stepper. Once again, Rasta take it over and over and over. Scene. Go, run and tell everyone. Kingdom rise and kingdoms fall. Babylon, yeah, you're going down. Go, run and tell everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go, run and tell everyone. Babylon, yeah, you're going down. Go, run and tell everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go, run and tell everyone. Babylon, yeah, you're going down. Yes, yes. Big up à tous les Rastanautes. Tous les connectés sur Debatec Radio. Big up Doctazi, big up Patate. Mexican Stepper, come again. Ça, je passe, c'est ODG Productions. Yes Yes Massive. Rappelez-vous, le Mad Sunday EP. Brand new version. C'était Mexican Stepper. Ok, on revient chez le Dubophonic Net Label. Avec un peu plus tôt, c'était Sun Jaman avec Huta Dare. Thank you. Yes, yes. Big up Manuel G. Contre nous. Une guerre que nous n'avons pas commencée. Une guerre très massive. Un peu plus tôt, chez Marée Basse, il y avait Yayo Land, Chaos Dub. Quand la nature prit sa revanche, j'avais un fusil. Dernier vestige d'un monde civilisé. Je sais qu'il existe un monde différent. Je sais que nous tous ici, en sommes l'avant-garde. Naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste. prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Ça se passe chez Marée Basse Productions. Social Anxiety Disorder. Non seulement au cellule de l'homme Yayolande Chaos Dub. Impulsion électrique. Vous êtes bien dans Full Vibes. Live and direct avec Mini Vibes. Mais cela vous présente aussi des applications militaires très lucratives, très lucratives, très lucratives. On continue avec Hypnotisé. Je me suis plus intéressé à l'esprit lui-même. Je fais mes recherches sur les zones du cerveau que j'appelle l'inconscient. L'inconscient? Vous êtes un alien, là. Je suis particulièrement intéressé par les cartes historiques et j'utilise Lorsqu'on connaît aussi bien que moi la drogue et les effets, je ne crois pas qu'un homme puisse succomber à la traîne en faisant de la drogue par sa rendement. Le temps presse maintenant, Henri, pour votre frère utilise la cocaïne, il sera mort dans moins d'un an. Massive. C'était Yayo Land Chaos Dub. Me semble réel en tout coin. Le fait est que Oku est une élaboration de mon mental. Je suis mentalement divergent. Ok les massives, maintenant on va avec Don Goliath. We gonna march on Babylon. Yes, yes. Quelques big tunes, quelques big promo tracks. Big up Don Goliath. Si on revient là-dessus, Mashup Babylon, Don Goliath, Footstep to the World. Big tune, big up à tous les massifs, merci d'être là. Mess up the

Yes, yes, again and again. Rise up. Rise up. Rise up. Rise up. Rise up. Rise up. progressive. C'était Mini Vibe Sound. C'était Full Vibes. Yes, yes, avec Don Goliath. Yes, yes, big up à tous les massifs. Merci d'être là. Merci pour le soutien. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Yes, vendredi prochain c'est One Dub Tape. Big up à tous, merci d'être là. On se revoit bientôt. Merci d'être à tout le monde. C'est pas un ordinateur. J'ai besoin d'avoir des informations. Il est 14h17, Laurence. Je sais très bien qu'à l'intérieur de moi, il y a des substances que l'on écrit en formule. Entrée plus une bouteille de champagne. Une bouteille de champagne achetée, une surprise offerte. Écoute, écoute. Attention à l'abus d'alcool. Je suis pas un ordinateur.